Chers auditeurs, bienvenue dans votre cyber-revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginal, je serai avec vous pour la prochaine heure et demie sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du 2 décembre 2010, alors voilà, nous entamons le dernier mois. La session automne aussi achève, alors on va faire une pause évidemment là, juste avant Noël, je crois pour quelque chose comme 2 ou 3 semaines, je confirmerai ça dans les semaines à venir. Alors voilà pour cela, cette semaine nous avons plusieurs affaires sur le menu. Nous allons parler entre autres de ces fuites de WikiLeaks dont on entend parler énormément partout. On va parler aussi, faire un petit retour sur la TSA. La situation de la sécurité aux États-Unis. Et on va aussi faire un retour sur l'économie, possiblement l'histoire aussi de la Corée du Nord, de la Chine et des États-Unis. Alors, on a toute une situation à ce niveau-là qui est important de suivre. Alors, on va faire ça, puis on va aussi se pencher, évidemment, sur le cas de l'actualité. Alors, il y a tout le temps énormément de nouvelles ici à l'Autre Monde, si vous êtes des habitués. Vous le savez bien. Alors, à chaque semaine, on fait le tour comme ça des nouvelles les plus importantes. On va aussi sûrement toucher à quelques nouvelles les plus importantes dans le dossier des changements climatiques. Alors, ça aussi, c'est tout un sujet en soi. Alors, beaucoup de trucs à l'émission. Donc, restez à l'écoute. Et puis, vous savez, L'autre monde est en train de se faire connaître de plus en plus. Et puis, c'est grâce à vous, c'est grâce aussi à notre excellent correspondant français, Stéphane Poutoir, que je prends le temps de saluer, qui est celui qui a tout monté la chaîne de L'Autre monde sur YouTube et puis qui reçoit beaucoup de visiteurs, en réalité, de plus en plus. On a au moins 5000 vidéos là, de ces temps-ci par jour qui sont visionné, et puis sans compter le fait que l'émission Autre Monde est en première position aussi sur la chaîne de Choc FM. Alors, merci à vous, chers auditeurs, d'être là. C'est tout le temps un plaisir de vous savoir dans les alentours et puis de partager cette émission. Alors, c'est vraiment grâce à vous là, qu'on continue de grandir et de se faire connaître. Avant qu'on parte, j'avais aussi une petite annonce. Alors, je vous annonce ça pas mal en primeur. Là, on est encore dans les préparations d'une entrevue qui va être très intéressante pour vous, chers auditeurs, à suivre, qui va être faite dans les semaines à venir, qui vous sera sûrement présentée au retour de la pause du temps des fêtes, alors sûrement au mois de janvier. Et j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer qu'on va avoir un des candidats présidentiels à la prochaine course électorale en France, alors si je ne m'abuse, qui devrait avoir lieu en 2012. On a ici sur l'émission, on a pas mal de pif. Et puis là, encore là, je dois remettre les honneurs à Stéphane Poutoir qui nous aide beaucoup dans ce dossier-là à faire les liens. Et puis on a réussi à mettre la main sur un des Ron Paul de la France. Alors, si vous connaissez Ron Paul aux États-Unis, ça va vous donner un peu une idée. Un personnage très intéressant que je dévoilerai, dont lequel, en fait, je dévoilerai l'identité dans les semaines à venir au fur et à mesure que toutes les choses vont se mettre en place et vont se confirmer. Alors, je vous invite à suivre ça de près. On va avoir ici sur l'émission, là, sous toute probabilité, un des futurs candidats présidentiels à la course électorale de la France. Alors, un des candidats qui risque d'être les plus intéressants. Alors, vous connaissez l'orientation de l'émission. Alors, si je dis que c'est un candidat potentiellement très intéressant, c'est que ce personnage sort de l'ordinaire et sort de la politique ordinaire, corrompue et mensongère dans laquelle on est enveloppé de tous les jours. Alors voilà, maintenant que l'annonce est faite, nous allons nous tourner vers un des dossiers les plus chauds de l'heure et j'ai nommé celui de WikiLeaks. WikiLeaks, la fraude, ou moi je l'appelle le pseudo-délateur. Je crois que dans ce dossier, chers auditeurs, dont vous entendez parler beaucoup cette semaine, puisque apparemment que je crois que c'est des centaines de milliers de documents qui étaient classifiés secrets ont été rendus publics par M. Julian Assange. Et apparemment que, bon, ça l'endommage la réputation et puis la politique étrangère des États-Unis, puis ça l'écorche au passage quelques autres nations. Sauf que je pense que beaucoup de gens manquent d'informations à propos de ce personnage, Julian Assange, et qui il est véritablement. Parce qu'il semble que ce monsieur Assange semble avoir, prime abord, attaqué le pouvoir en place, dont particulièrement celui des États-Unis, mais bien qu'il paraît être un contre-pouvoir du côté de la population, je pense qu'en y regardant, en regardant ça de plus près, on pourrait s'apercevoir que bien que certaines informations rendues publiques font mal aux États-Unis, à l'armée américaine, il finit par justifier la politique de ces derniers en donnant du crédit à l'Al-Qaïda qui n'existe pas, en justifiant ainsi aussi une guerre contre le terrorisme et les occupations militaires du Moyen-Orient. Il donne du poids à la version officielle du 9-1 en discréditant le mouvement pour la vérité, ce qui est une justification de plus pour la guerre contre le terrorisme et les mesures répressives et liberticides à la maison. Autant aux États-Unis qu'en Amérique, dans le reste de l'Amérique, donc incluant le Canada. Et il associe faussement l'Iran à des actes répréhensibles, justifiant ainsi une attaque éventuelle contre ce pays. Ces indices et beaucoup d'autres mènent à penser que Julian Assange est un asset, comme on dit en anglais, des services secrets, probablement américains, de la CIA et israéliens du Mossad. Il y a plusieurs indices qui nous portent à croire cela. Je vous dis des indices, il n'y a rien de définitif dans ce dossier-là. Sauf qu'il y a des pistes d'enquête, je dirais des pistes qui sont très intéressantes à suivre pour se faire une meilleure idée de qui est ce personnage et quel est le but de cette entreprise de WikiLeaks. Alors, il y a des choses assez bizarres qui se passent, bien que ce personnage là, rend public beaucoup d'informations publiques. Il y a certains sujets qui, comme par miracle, sont complètement évités, ce qui est assez étrange. Et aussi, il y a d'autres pistes qui sont mises en évidence et qui mènent vers des trucs qui semblent finalement conforter et soutenir la politique étrangère des États-Unis, israélienne et aussi de l'armée américaine. Bon, alors, ça, à ce moment-là, il y en a une des pistes, c'est qu'elle mène à une éventuelle attaque de l'Iran. Alors, elle semble justifier les craintes imaginées, je dirais, d'Israël et des États-Unis par rapport à l'Iran et une supposée arme nucléaire. Donc, ça, c'est intéressant, non seulement intéressant, mais je dirais que c'est important à avoir en tête là, pour avoir une meilleure idée là, de ce qui se passe et ne pas tomber non plus dans un autre panneau de propagande, je dirais, très probable. Mon pif me dit qu'il y a quelque chose qui anguille sous roche. Alors, ces indices, comme beaucoup d'autres, mènent à penser que Julian Assange, comme je vous disais, est piloté par probablement le pouvoir en place. Alors, il apparaît comme étant un contre-pouvoir, mais un contre-pouvoir qui est mis en place pour, un peu comme un pot de miel, pour attirer les gens et les détourner des enjeux essentiels. Donc, il y a fort à parier que Assange n'est pas un contre-pouvoir, mais bel et bien un nouvel outil du pouvoir. WikiLeaks, c'est de l'intox, comme disent les Français. C'est l'art de mélanger du vrai avec du faux. Avec du vrai, on peut faire avaler des couleuvres à la population et ça peut servir plusieurs objectifs. C'est pas innocent comme manœuvre. Comment les États-Unis, si puissants, disent craindre les révélations venant d'un site quand ils ne sont pas foutus de fermer de force ce site? Okay, ils ne faisaient qu'attendre. C'est le point faible de l'histoire. C'est une histoire typique de false flag, l'art de faire des jokers à la Bin Laden made in CIA. Vous devez comprendre que c'est complètement illogique de voir, vous savez, cette semaine, une des grosses nouvelles, c'est que vous avez le Homeland Security aux États-Unis, les États-Unis finalement qui sont arrivés à fermer à peu près 77 Internet, OK? Dont des pair-to-pair, comme on les appelle, donc des sites qui renvoient vers d'autres sites où on peut télécharger de l'information et puis, selon leurs assertions, des sites qui porteraient atteinte ou briseraient là, les droits, les copyrights, les droits d'auteur, OK? Donc, 70 noms de domaines qui ont été saisis la semaine dernière au nom de la violation des droits d'auteur. Et puis, boum, tout d'un coup, ben, vous avez, lui, le site de Julian Assange qui, lui, apparemment, qui est une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, n'est pas touché, n'est pas fermé. Vous savez, non seulement ces sites-là ont été fermés, puis celui de Assange ne l'a pas été, mais ces 70 sites-là qui ont été fermés l'ont été faites sans procès. Avant qu'aucun procès soit fait, sans mandat, sans d'ordre de la Cour ou quoi que ce soit d'autre, zap, d'un seul coup de python, et hop, 70 et plus, Internet ont été fermés d'un seul coup. Mais vous allez me dire que les États-Unis, le Homeland Security, seraient incapables de fermer le site de WikiLeaks, en plus que Julian Assange a carrément averti en avance qu'il relâcherait des informations très dommageables pour les États-Unis. Je crois qu'ils nous prennent pour des gros, gros cons, de toute évidence. Alors, je crois que les États-Unis continuent à prendre la terre entière pour des imbéciles, comme ils en ont pris l'habitude depuis le 11 septembre, qui est aussi l'avis d'un des commentateurs sur le site des 7 du Québec. Alors, je vous laisse penser à ça. J'ai mis sur le site Les Nouvelles Internationales un article cette semaine qui parle de ça. Vous avez plusieurs lignes d'informations. Je vais vous laisser aussi les liens finalement la page là, de l'émission hebdomadaire que je publie sur Les Nouvelles Internationales avec toutes les informations qui sont en lien. Bon, vous avez plusieurs informations qui portent à croire que M. Assange fait partie d'un outil de propagande contrôlé, qui pourrait être fortement relié aussi, possiblement en tout cas, au Mossad israélien. Pourquoi? Parce que ces informations-là qui ont été divulguées cette semaine ont été ramassées dans la période de temps où Israël a attaqué la fameuse flottille de la liberté en eau internationale, exécutant sommairement plusieurs personnes à bord, dont des Turcs et même un citoyen américain. Alors, je crois que c'est au-delà de. C'est au moins 9 personnes qui ont été tuées. Donc, même dont celui-là qui, comme je vous disais, possédait une citoyenneté américaine qui a été tirée à bout portant de plusieurs balles. Donc, une exécution sommaire directement sur la place en eau internationale. Et puis, comme par magie, dans ces révélations de WikiLeaks, absolument rien, mais pas un mot ne fait référence à cette situation-là. Comme par magie, Israël qui est complètement blanchi, qui est complètement laissé à l'écart de toute révélation dommageable. Et puis, en fait, même plus que ça, ces révélations-là, en réalité, viennent supporter la politique et puis ce qu'Israël essaie d'avancer, c'est-à-dire une guerre contre l'Iran basée sur le fait que supposément l'Iran essaierait de développer des armes nucléaires. Alors, vous avez aussi d'autres pistes, dont vous avez Wayne Madsen, lui, qui fait aussi un intéressant rapport là-dessus, une analyse qui lui lie Assange à Soros et aussi la CIA. Alors, allez voir ça. Il y a beaucoup d'informations là qui sont à voir. comme par magie, comme je vous disais, les fuites qu'il y a eu une démonisation de l'Iran, et miraculeusement, Israël est complètement blanchi, le 9-1, totalement évité, que de coïncidences, j'imagine. Donc, c'est vraiment spécial de voir ça. Donc, allez voir ça. Vous avez même Zbigniew Brzezinski qui, lui, a émis ses opinions par rapport à ça et pense que, finalement, il y a de quoi aussi qui se cache derrière cette histoire, OK? Alors, c'est quand même là, intéressant de voir aussi les personnages qui commencent à sortir et révéler leur point de vue qui aussi commence à sonner la cloche en disant que, attendez, là, il y a quelque chose qui cloche sous cette histoire, OK? Alors, donc allez voir ça. Il y a beaucoup, beaucoup de liens, là. Je vais vous passer là, la majorité là, des informations là, parce qu'il y en a énormément. Je vais vous laisser découvrir ça tranquillement, bien calé dans votre fauteuil devant votre ordinateur. Il y a beaucoup de choses à aller voir et puis je vous laisse faire votre propre idée de ça. Il y aurait aussi peut-être une autre explication en terminant, par contre, là, c'est que il y a aussi une autre explication. C'est que on pourrait aussi utiliser ces divulgations d'informations-là pour justifier une attaque sur Internet. Et puis, j'explique ceci de cette façon. C'est que on pourrait, au niveau des États-Unis, déclarer, on sait que ça fait là, plusieurs mois aux États-Unis qu'on essaye de mettre la main sur Internet, de faire en sorte qu'on ait un pouvoir même de tout simplement de fermer l'Internet pour raison de sécurité nationale ou quoi que ce soit. On a même ouvert et financé à l'ordre de plusieurs dizaines de millions de dollars une nouvelle unité au sein du Pentagone, donc de l'armée américaine, pour veiller sur Internet, pour avoir carrément une armée, un bataillon sur Internet qui, finalement, dans leurs propres termes, mener une guerre de domination plein spectrum sur Internet. Alors ça, c'est vraiment là, leur mot même. Là, ils veulent avoir un contrôle total là, sur l'Internet. Alors, vous devez comprendre là, que ces gens-là ne jouent pas des parties, là, on ne joue pas des jeux, OK? Donc, à ce moment-là, on pourrait aussi, comme ça, relâcher des informations dommageables pour les États-Unis, pour la sécurité nationale. On déclare ça de cette façon-là. Et à ce moment-là, utiliser ces divulgations-là comme étant, vous savez, pour fournir en fond un prétexte pour réglementer l'Internet, limiter la liberté d'expression des utilisateurs et donner aux autorités des pouvoirs accrus en la matière. Les médias jouent leur rôle en essayant de nous convaincre que les révélations d'Assange compromettent la sécurité nationale de divers pays. Ça, c'est déjà dans plusieurs médias aux États-Unis. Et vous devez aussi comprendre qu'un truc qui résume bien la situation, vous devez vous rappeler que dans une autre tentative de propagande honteuse, WikiLeaks a essayé de nous faire croire que des armes de destruction massive avaient été trouvées en Irak. Alors imaginez les mensonges aussi, ça avait justifié l'invasion et l'agression illégale et morale de l'Irak en 2003. Donc, ça aussi, vous devez comprendre là, que par la suite, on avait bel et bien révélé, compris qu'aucune arme de la sorte n'a jamais été trouvée en Irak, n'a jamais existé. Les dernières qui avaient existé remontaient à 1991, imaginez-vous donc. Alors, WikiLeaks, très spécial, vous allez trouver plein d'informations là-dessus. C'est vraiment là, un dossier important à connaître. Ensuite, on va se pencher au niveau de l'économie. L'économie aussi, ça continue de brasser. On en parle à toutes les semaines. Vous avez le jeu de l'euro qui est sur le bord de s'effondrer. Vous avez ici une vidéo absolument excellente de Nigel Farage, un des représentants au Parlement européen qui, mon Dieu, a largué vraiment un texte époustouflant, une élocution, devrais-je dire, vraiment fascinante. Ils sont rares les politiciens qui demeurent et qui ont toujours la flamme, qui défendent le peuple, la population, qui sont les vrais représentants de la population. Ce monsieur-là a livré une élocution absolument condamnante et viscérale contre les contrôleurs, les globalistes, les gens qui se retrouvent au sommet du Parlement européen, qui sont aucunement intéressés au bien-être de la population, mais seulement qu'à concentrer et consolider le pouvoir entre les mains d'une gouvernance européenne, éventuellement d'une gouvernance mondiale. Alors, ce gars-là les a foudroyés. Je vous ai mis ce lien-là, réellement, là, qui mène vers cette vidéo. Vous devez voir ça dure peut-être 3 minutes, là, mais c'est absolument fantastique. C'est très inspirant de voir ça. Cette semaine, nous avons entendu parler, dans le niveau de l'économie, du plan de sauvetage de l'Irlande. Alors, ça aussi, là, c'est tout un dossier incroyable. On a tout simplement décidé, là, d'endetter encore beaucoup plus les Irlandais pour supposément les sortir de la dette. Alors, comme je vous parlais la semaine passée, c'est un non-sens total. Alors, on a un problème d'insolvabilité, on a trop de dettes, et puis pour se sortir de la dette, on imprime plus d'argent, on emprunte plus, on en doit plus avec de plus en plus d'intérêts. Alors, je ne vois pas comment qu'on peut se sortir d'un problème de cette manière-là. Les Irlandais ne sont pas fous, sont conscients qu'on est en train de les ruiner, de leur attacher une chaîne autour du cou, de les rendre esclaves de banquiers internationaux. À ce moment-là, vous allez voir de plus en plus des nouvelles de des révoltes. Cette semaine, vous avez eu des protestations qui ont réuni plus de 100 000 personnes à Dublin. Des articles sont en lien. Allez voir la section des commentaires. Vous allez voir que les gens de l'Irlande sont absolument furieux que le gouvernement veulent les affamer, veulent les appauvrir pour engraisser les banquiers privés. Hein? Donc, c'est toujours la même affaire. C'est tout le temps la population qui mange la marde en pleine face pour sauver les banquiers privés. Alors, c'est tout le temps la même situation, c'est tout le temps la même histoire et ça se passe partout à travers la planète. Il est temps que la population mondiale se réveille. Donc, beaucoup d'Irlandais qui sont absolument furieux, qui protestent contre les plans d'austérité, contre les plans de sauvetage des banques privées, contre les prêts des fonds monétaires internationaux. Alors, voilà quoi, on est en train de vraiment être témoin d'une révolution globale en opposition aux banquiers privés, puis à leur sauvetage avec les fonds publics, OK? Des banquiers qui ont perdu à cause qu'ils ont spéculé, qui ont perdu énormément d'argent, puis c'est nous qui devrions aller les sauver. Imaginez un gambler qui se présente à Las Vegas. Le gars, il s'en vient avec son argent, lui, tu sais, tant qu'il fait de l'argent, il mise sur des tables et puis il fait de l'argent. Toutes les fois qu'il fait des profits, il garde les profits. Mais un coup qu'il commence à perdre bien de l'argent, puis il perd sa maison, il vient vous commander de l'argent pour le sauver de finances. Je veux dire, qu'est-ce que vous allez dire? Écoute, mon grand, arrête de jouer, là. Je veux dire, arrête de gérer ton argent comme ça, t'es un peu fou. Sauf que là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne vous demande même pas votre opinion. Le gouvernement prend votre argent, non seulement prend votre argent, mais vous allez trouver un paquet d'articles ici là, qui sont en lien où vous allez apprendre que les fonds de réserve de pension sont aussi vidés pour rembourser ces banquiers privés. Imaginez, je veux dire, c'est absolument incroyable. On va prendre jusqu'à 15 millions d'euros des réserves de fonds de pension nationales de l'Irlande pour recapitaliser les trois banques les plus importantes du pays. Imaginez, c'est complètement hallucinant, OK? Et puis après ça, vous avez les taux d'intérêt qui vont être aussi élevés que 6,7% sur ces plans de sauvetage-là. Alors, c'est les gens qui vont devoir rembourser ça. Imaginez, je veux dire, c'est d'un affront total. Non seulement les fonds de pension des Irlandais vont être saisis, on a appris la même affaire, ici c'est un article du eFinancial News, où on apprend que la France voit maintenant sa population se faire voler ses fonds de pension pour les donner à des banquiers privés pour finalement refinancer leurs dettes. Alors on rejoint l'Irlande et un autre pays, c'est la Hongrie, où on a fait la même affaire. Alors vous allez trouver là un tas d'articles à ce niveau-là. Complètement hallucinant. Okay? Alors, on va prendre en total, là, en France, pas loin de 36 milliards d'euros des fonds de réserve pour les retraités. Okay? Alors, on va prendre cet argent-là, et puis là, on a passé une loi, hein, sans demander aux Français ce qu'ils en pensaient, et puis là, on va donner ça, hein, aux banquiers privés. N'est-ce pas incroyable? Alors, ça, c'est une contagion des plans de sauvetage qui est en train de frapper l'Europe, alors qu'on est en train de saisir les fonds de pension des gens en France, en Hongrie et en Irlande, et à tenter de voir ça débouler dans les autres pays. Là, c'est le Portugal qui s'en vient, avec l'Espagne qui est pas loin derrière. Je veux dire, la situation est vraiment pas drôle, OK? Vous avez donc l'euro aussi qui a baissé de valeur, alors qu'on voit le Portugal qui est en train de crouler sur les dettes et puis de voir les pressions monter pour faire en sorte qu'on vienne en aide aussi à l'Espagne et au Portugal avec des fonds de sauvetage, OK? Alors, ça aussi, là, c'est à surveiller dans les nouvelles économiques. On a un article ici qui nous sort de AFP où on apprend que la pauvreté globale a doublé depuis les années 70 selon les chiffres des Nations Unies. Bon, OK, alors voilà, on apprend que le nombre de pays qui sont très pauvres a plus de doublé ces 30 entre ces 30 et 40 dernières années, alors que le nombre de personnes qui vivent dans une pauvreté extrême a augmenté de deux fois, ont doublé selon un groupe des Nations Unies. Alors, ça, c'est aussi des nouvelles, hein. On vous montre que finalement, la population globale est en train de s'appauvrir. La population voit sa classe moyenne disparaître au profit d'une classe ultra riche. OK? Je veux dire, être millionnaire de nos jours, ce n'est pas riche. Être millionnaire de nos jours, c'est posséder plusieurs milliards de dollars. C'est ça la nouvelle norme d'être riche de nos jours. Cette classe d'hyper riche est en train de s'enrichir. Alors, on se retrouve dans un monde où vous avez pas loin de, si je me rappelle bien des chiffres, là, vous avez plus de la moitié du monde qui est possédé par une fraction de la population mondiale, c'est-à-dire 0,5% de la population mondiale, quelques milliers d'individus possèdent plus de la moitié des richesses de la planète et de la richesse aussi en dollars, là, OK? Alors, ça, c'est de quoi de. C'est une tendance très lourde, là. Vous avez aussi Obama, dans une autre nouvelle, on apprend qu'il lui a ajouté plus à la dette nationale que dans le fond, dans ses 19 premiers mois comme président, que tous les présidents partant de Washington en passant par Reagan combinés. Okay? Alors déjà, Bush, lui, avait battu des records en augmentant la dette des États-Unis. Eh bien, vous avez le nouveau champion, Barack Obama, qui lui est en train de faire bien mieux que ça. On emprunte tellement d'argent, tellement en train d'endetter ce pays-là, que c'est certain qu'il va arriver de quoi dans les prochains mois, c'est évident. Soit qu'on va tout simplement abandonner le dollar américain, n'en imprimer un nouveau, ou on va voir la banqueroute des États-Unis. C'est certain qu'il va se passer de quoi, en tout cas, vous allez voir ça. Pendant ce temps-là, ben, vous avez ce gros Obama-là qui est en train de crouler les États-Unis sous les dettes. Eh bien, lui, vous savez, les chiffres sont sortis pendant son récent tour de l'Asie en Inde, en Indonésie, en Corée du Sud et au Japon. Ce voyage qui a duré une dizaine de jours. Ça coûte cher, ça coûte cher, hein? Donc, tout coûte cher. Les gens se serrent la ceinture. Vous avez les taux de chômage au-dessus de 20% aux États-Unis. Des millions de propriétaires de maisons ont perdu leur propriété. Et puis, pendant ce temps-là, lui, le président, il voyage à travers le monde. Et puis, les chiffres sont sortis. Ce que ça a coûté juste pour le Air Force One par heure, on parle de 181 757 dollars, OK? Ça coûte pas loin de 180 000 dollars américains pour dollars, OK? Dollars pour transporter le président américain à travers son tour, qui était pourquoi finalement, en grosse, je dirais majorité, était pour ouvrir des nouvelles portes aux compagnies américaines, dont des contrats de plus de 10 millions de dollars en Inde. Alors, voilà quoi. Donc, c'est comme ça qu'on dépense les deniers publics. Vous avez Peter Schiff qui, lui, se mesure à Gata et puis qui on dit que les prix de l'or vont augmenter. Il reçoit quelqu'un sur son programme qui dit que les prix, si on faisait les calculs mathématiques, normalement pourraient monter jusqu'à, mathématiquement, là, on parle là, jusqu'à 56 000 $ l'once. Évidemment que là, 56 000 $ l'once, ça ne va jamais se produire, là. C'est s'il y avait un crash total des États-Unis. Puis écoutez, là, c'est des conditions qui sont quasiment irréalisables. Mais le message est que quand même, vous risquez de voir le prix de l'once d'or et des métaux précieux monter en flèche. J'en ai parlé la semaine passée. Alors, d'autres articles à propos de ça. Ensuite, vous avez une crise ici, un article qui parle de la crise de la monnaie fiduciaire, la monnaie de papier qui est basée sur absolument rien. On parle des dollars, les surplus en dollars américains qui sont convertis en or par plusieurs pays. Et d'ailleurs, une des grosses nouvelles cette semaine, on a appris que la Chine et la Russie ont conclu un accord ensemble pour faire des échanges bilatéraux, pour faire leur échange commerciaux bilatéral en leurs devises respectives, alors les roubles russes et puis le yen chinois. Alors, imaginez le coût que ça va donner au dollar américain. Alors, vous avez aussi la Chine, la Russie et l'Iran qui ont décidé de larguer le dollar américain. Ça, c'est une nouvelle absolument importante et vous avez très peu de journalistes qui en ont parlé aux États-Unis et on n'en a presque même pas parlé dans les médias principaux, dans les médias traditionnels aux États-Unis, alors que ça devrait être une des histoires les plus importantes de nos temps. OK? C'est une situation des plus importantes, là. Je ne sais comment souligner cette nouvelle. OK? Vous avez la Russie et la Chine avec l'Iran, qui ont décidé d'abandonner le dollar américain dans leurs échanges commerciaux. C'est énorme. C'est énorme, OK? Ça fait des années qu'on parle de la Shanghai Cooperation Organization qui regroupe tous ces pays. Alors, on a des ententes commerciales, des ententes énergétiques, on a des ententes militaires, on a de tout. Alors, vous avez, ces gens-là sont en train de se réaligner puis de larguer les États-Unis. Alors, ça aussi, là, c'est des nouvelles qui sont extrêmement importantes. On parlait de cette action, je crois que c'était la semaine passée, j'en parlais, Max Keiser qui avait appelé toutes les gens à aller se procurer une pièce d'argent pour faire tomber JP Morgan, qui a vendu beaucoup trop de métaux précieux qu'il n'en possède. Donc, la façon pour les jeter à terre, ces banquiers privés qui sont en train de ruiner la planète, c'est justement de les exposer à leur fraude, étant donné qu'ils ont vendu beaucoup trop d'or, beaucoup plus qu'ils n'en possèdent, et bien, en achetant de l'or et en prenant possession physiquement, et bien, vous allez les forcer à faire faillite. Le message s'est propagé à travers la planète et apparemment que ça fonctionne. Vous avez les prix de l'argent, je parle tout le temps de l'argent de métal ici, qui sont en train d'augmenter à une vitesse record, OK? Vous avez en fait des demandes records qui sont placées ces dernières semaines. Ça a l'air que le plan de faire tomber JP Morgan est en train de se propager d'une façon virale sur l'Internet et dans l'esprit des gens. Alors ça, c'est très intéressant de voir. On a des articles aussi qui parlent de la COMEX. COMEX est un des plus grands marchés d'échange des métaux précieux dans le monde, où on apprend que le COMEX est en position short, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de contrats qui ont été vendus qu'il n'en existe. Okay? Alors, vous avez tous les chiffres exacts. Grosso modo, ici, là, on parle d'au moins deux fois plus de contrats qui ont été vendus qu'il n'en existe en réserve. Je parle de métaux précieux, autant d'or et d'argent. Alors, voyez là qu'on est sur le point de voir de quoi d'assez grave se passer. C'est-à-dire qu'on risque de voir les marchés de métaux précieux s'effondrer. Je parle pas du prix de l'or, mais je parle de ces compagnies qui vendent de l'or, des banquiers privés, des compagnies de hedge funds, des affaires comme ça. Et puis, vous allez voir le prix de l'or et de l'argent augmenter en flèche. OK? Qu'est-ce qui va arriver par rapport à ça? Il y en a qui vont dire que, bon, parfait, on va réussir à faire tomber ces banquiers privés. C'est un fait. Sauf que vous pouvez vous attendre à ce que les gouvernements, à ce moment-là, ben, votent des plans de sauvetage pour rembourser ces institutions financières-là, pour éviter qu'elles ne s'écroulent avec votre argent. Alors, finalement, en bout de ligne, c'est vous qui allez continuer à payer pour tout ça. Sauf qu'à un moment donné, il faut que ce système-là tombe. Alors, je veux dire, à un moment donné, je pense que la meilleure affaire à faire, c'est de pousser un petit peu plus pour qu'on arrive le plus vite possible au changement qu'on va finalement mettre en place, des changements qui vont être plus sains, évidemment, enlever le contrôle de l'économie de ces banquiers privés, de ces gens à qui on a donné le pouvoir de la création de la monnaie, de l'argent, OK? Alors, abolir le système fractionnaire bancaire, ça serait une maudite bonne affaire aussi. Alors, je veux dire, ces informations, là, je veux dire, moi, je vous livre ça en vrac et puis à vous, là, vraiment, d'y voir là-dedans. Donc, allez voir ça, la COMEX qui risque de faire défaut dans son marché de l'or et de l'argent, peut-être même au mois de décembre. Alors, ça aussi, c'est à garder à l'œil, ça, c'est certain, certain. D'autres articles qui parlent ici de la Chine et de la Russie qui ont quitté le dollar. Alors, on se demande aussi si ce ne serait pas une coïncidence avec la situation en Corée du Nord. Hein, on essaie de provoquer la Chine. On sait au niveau des États-Unis qu'on ne sera jamais capable de rembourser la Chine. On doit beaucoup trop d'argent à la Chine. Alors, les États-Unis sont peut-être en train de faire le calcul qu'à ce moment-là, au lieu de rembourser l'argent à ces Chinois, pourquoi ne pas tout simplement les démoniser, partir une guerre contre eux et puis à ce moment-là se justifier en disant qu'on ne va jamais les rembourser de toute façon. Hein? Parce que ce qui est en train de se passer entre la Corée du Sud et la Corée du Nord est une provocation par proxy, par moyen détourné contre la Chine. Ça, il faut être bien conscient de ça. On amène des porte-avions dans la mer Jaune On envoie des signaux à la Chine qui sont, je dirais, assez provocateurs. Et il est assez évident là qu'on cherche la bataille avec la Chine. On essaie de la démoniser de toutes les façons. Vous allez trouver plusieurs nouvelles d'ailleurs là-dessus dans la section économique par rapport à ça, et aussi dans la section des nouvelles sur ce qui se passe en Corée du Nord et en Corée du Sud. Ok, donc ça aussi là, c'est des liens qui sont importants à faire et à explorer plus en détail. On a mené des exercices militaires au large des côtes de la Corée du Sud, et puis ça n'énerve pas seulement que la Corée du Nord, mais évidemment la Chine aussi. Okay? C'est des provocations qui sont assez directes. On mène des exercices militaires carrément dans la cour de la Chine. Alors, imaginez la Chine qui mènerait des exercices militaires conjointement avec Cuba, okay? Dans les eaux autour des États-Unis. Je crois que il y en a qui commenceraient pas mal à halluciner à Washington, dans la Maison-Blanche, n'est-ce pas? Je crois que vous comprenez très bien où je veux en venir. C'est des actes de provocation. Quand c'est les États-Unis qui les perpétuent, qui les fait, eh bien, à ce moment-là, ça c'est correct. Mais quand c'est les autres, là, ça c'est la fin du monde par contre. En tout temps, les deux poids, deux mesures. Vous avez les États-Unis qui ont appelé la Chine à utiliser de leur influence pour restreindre la Corée du Nord. Vous voyez, là, on essaie tout le temps de tout mettre sur leur dos. Alors, allez voir ça. Vous avez Tarpley aussi, Webster Tarpley, qui a produit une vidéo que je vous ai mis en lien, où il parle que les États-Unis utilisent la Corée du Nord pour faire de l'argent, parce qu'évidemment que le dollar américain est en train de s'effondrer. Pouf! À la minute même qu'on a appris qu'il y a eu des échanges militaires, des échanges d'obus, d'artillerie, vous avez vu le dollar américain tout simplement retrouver sa valeur, a augmenté. Et puis ça, c'est des choses aussi qui sont à avoir en tête. Les gens à Londres sont aussi très fâchés parce qu'on veut augmenter les frais étudiants en Angleterre. Alors, vous voyez, c'est toujours aussi la même situation. C'est finalement tout le temps les mêmes qui finissent par payer. Alors, les protestataires, vous avez au-dessus de 10 000 étudiants qui sont descendus dans les rues de Londres, et vous en avez plus de 25 000 au total qui ont pris part à des protestations à travers le pays au complet. Alors, ça aussi, là, vous voyez là, plusieurs endroits où le point d'ébullition est en train d'être atteint. Vous avez aussi des manifestations géantes qui ont été tenues contre les mesures d'austérité au Portugal. Alors, on a eu même des grèves générales de 24 heures. Vous en avez eu dans une multitude de pays comme ça. Alors, vous allez voir là, que ça aussi, là, ça va être une constante, une tendance très lourde dans les temps à venir, dans les semaines à venir et possiblement les mois à venir. Ensuite, vous avez le Daily Bell, OK? Donc, on parle ici, c'est un article très intéressant, on voit la dette nationale et puis le déficit. Alors, on voit des chartes là, du dollar américain de 1980 à 2010. Vous allez voir la chute du dollar américain constante qui descend et qui continue de sombrer dans des bas-fonds. C'est incroyable. Le dollar américain qui est en train tout simplement là, de prendre le champ, est en train de disparaître. Une nouvelle intéressante ici de AP, on apprend que plus de 8 millions de personnes se sont retrouvées sans carte de crédit parce que les banques ou les institutions financières ne les ont pas renouvelées. Alors ça, c'est pas nécessairement parce que les gens se sont volontairement débarrassés de leur carte de crédit. Par contre, une partie de l'information dans cet article-là est intéressante, c'est que on apprend que dans une analyse qui a été faite par une agence de crédit, d'analyse du crédit qui s'appelle TransUnion, on a trouvé que les cartes de crédit étaient en général moins utilisées par les Américains. Alors, on dit que l'utilisation de ces cartes ont baissé de plus de 11% le dernier quart économique. Alors, comparé à juillet et septembre de la période de l'année passée. Alors, ça, c'est intéressant. On voit que les gens utilisent de moins en moins les cartes de crédit. Ça, c'est quand même des nouvelles assez intéressantes. Donc, c'est pas mal tout. Je laissais une vidéo de Dylan Ratigan qui a fait tout un speech aussi, lui, à propos de ces banques qui jouent au casino et qui après prennent l'argent des payeurs de taxes pour se rembourser. Alors, une excellente vidéo à aller voir. Et puis, nous, on va se quitter là-dessus pour une pause musicale et on va se retrouver tout de suite après la pause. On va parler un peu après la pause des nouvelles les plus importantes dans le dossier des changements climatiques. Ça, c'est de quoi qui va être à suivre. Et aussi, on va faire un retour sur le dossier de la TSC. Alors, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes de retour, chers amis. Vous êtes toujours à l'écoute de L'Autre Monde avec François Marchenat sur les ondes de Choc FM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, changement climatique, encore là, vous avez une série d'articles assez impressionnants à aller voir. Je vais vous faire un survol de ce qui est le plus important, le plus choc, hein? Les nouvelles les plus importantes de la semaine. Alors, pas seulement que de la semaine, je les accumule, là, ça fait quand même un bon temps, là. Alors, vous avez trouvé des nouvelles par rapport au prochain sommet ou des changements climatiques, hein, qui va se tenir à Cancun. Alors, ça va se tenir très, très bientôt. Et vous avez les Nations Unies qui ont décidé de bannir un journaliste de la conférence sur le climat. Alors ça, c'est un journaliste qui s'appelle Philip McAleer, qui est bien connu pour demander des questions aux scientifiques et aux politiciens, des questions difficiles à propos de la théorie orthodoxe du réchauffement climatique. Alors lui, il a reçu il y a quelque temps une lettre lui disant de rester à la maison, qu'on ne voulait pas le voir là, imaginez. Alors ça, c'est ça donne un peu un exemple là, hein, de quels sont ces gens-là qui se cachent derrière ces groupes-là du réchauffement, le réchauffement climatique, où maintenant les gens vont dire « Oh non, c'est pas le réchauffement climatique, c'est les changements climatiques. Hein? » Donc là, on dit que c'est plus les changements climatiques parce qu'ils s'aperçoivent bien que le climat se refroidit. Alors là, on ne parle plus de réchauffement climatique, mais de changement climatique. Mais c'est tout le temps causé par l'homme, évidemment, par le CO2 qui était censé faire se réchauffer le climat. Et là, tout d'un coup, là, c'est plus ça. C'est refroidissement aussi. Donc, le réchauffement cause le refroidissement. Là, ils sont tout mélangés dans leur tête, hein? Et on est tellement mêlés dans nos mensonges que finalement, là, les journalistes sont trop gênants. Ben, on leur demande de rester à la maison. On les bannit, hein? Donc, eux autres, ils n'ont pas le droit de venir et puis de reporter, hein, de faire leur rapport, leur analyse sur ce prochain meeting qui va se tenir à Cancun, OK? Alors, non seulement ça, on a même demandé aussi à des panélistes sur les changements climatiques de rester loin, de demeurer loin des médias. Hein? Ça vient là du GIEC. On leur a demandé à ces gens-là qui vont participer, des scientifiques donc et d'autres personnes qui vont participer à ce prochain meeting là du GIEC, de rester loin des médias. On leur fait pas confiance. Hein? On a trop de mensonges là à couvrir, donc on leur fait pas confiance pour bien mentir en face des caméras. Donc on dit, écoutez là, référez les questions au groupe de leaders du secrétariat. Hein? Donc, nous autres, on va s'occuper de ça. Là, on a déjà préparé nos lignes. OK? Donc, voyez un peu là à quel point on est rendu quand on manipule l'information, qu'on a peur de faire face à des médias. Là, c'est qu'à un moment donné, là, on a quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Alors, il y a des nouvelles assez intéressantes à ce niveau-là. Ensuite, on apprend ici dans les nouvelles chocs, ça vient du Télégraphe, imaginez, c'est assez incroyable, là. Vous avez des scientifiques là, qui font partie de ce groupe-là, qui va participer au sommet sur les changements climatiques à Cancun, qui appellent pour lancer des rations. Les autres, là, ils clament, ils disent que le monde développé devrait être mis sous ration, un peu comme ça a été fait durant lors de la Deuxième Guerre mondiale. Imaginez. Alors, on dit que dans les pays riches, là, hein, nous autres, c'est pas correct, là. Alors, nous autres, il faut diminuer nos émissions de carbone. Et puis là, on va mettre les gens sous ration. On va rationner les gens. Hein? Alors, ça, c'est pas beau, ça. Vous avez une série de documents comme ça qui a été publié par la Royal Society des gens qui font partie là, d'universités, des chimistes, puis toutes sortes de gens comme ça qui disent que là, écoutez, là, il faut mettre des rations, il faut rationner les gens. Hein? Pendant ce temps-là, ces morons-là, ils s'en vont à Cancun, chers auditeurs, puis ça se paye des hôtels luxueux hein, pour débattre de la question. On boit du champagne, littéralement. Ok, je dis pas ça là pour démoniser les gens. Non, non, non, on se paye des hôtels de luxe. Ok, les autres ils déclarent qu'il faut rationner les pays riches. Hein? On a même un article qui est sorti ici pour essayer de sauver la planète des changements climatiques et pour réduire les émissions de CO2. On a des gens qui ont proposé dans leurs documents qui sont publiés qu'on mette en place des programmes de relocalisation des populations humaines et des infrastructures et de les déménager de des endroits ou de des régions qui seraient à haut risque. Pendant ce temps-là, ces gens-là, ces morons-là, se payent des hôtels luxueux avec du champagne, du caviar, dans le luxe total, tout ce qui est plus de logique, hein? La famine pour nous et la vie de Pacha pour eux. Alors voilà, ça c'est à ce type de gens-là qu'on a affaire. Okay? Vous avez une vidéo ici qui s'appelle The Inconvenient Truth About Green Agenda. Allez voir ça, une vidéo super intéressante. Une série de nouvelles sur les froids qui sont en train de sévir un peu partout sur la planète, particulièrement en Europe. On parle ici de environ 25 cm de neige qui est tombée sur la Grande-Bretagne. Écoutez, on a des vents arctiques qui viennent d'arriver. Le El Niño qui est en train de frapper. On se demande si aussi, vous savez pas non plus là, le fameux Gulf Stream qui s'est affaibli à cause de la fuite de BP dans le golfe du Mexique. Le fait est que la Grande-Bretagne se retrouve avec des températures de moins 17 à moins 20 qui va du qui des températures qui devraient durer là, au moins plusieurs jours, c'est pas des semaines. On est en train de battre des records qu'on n'a pas vus depuis 25 ans. On appelle ça de big freeze, OK? Donc on va carrément geler en Angleterre. On reçoit des quantités de neige qui sont très peu communes en Angleterre, qui est normalement un climat beaucoup plus tempéré. On annonce qu'on risque d'avoir un des hivers les plus difficiles, un des plus froids. On déclare dans le Daily Mail ici, selon la Met Office en Angleterre, que oh là, on dit que parce qu'ils commencent à avoir l'air fous, ces gens-là, là, hein? On parlait de réchauffement climatique il y a quelques années avec les océans qui vont monter, là, puis on va tous mourir. Okay, on parle de la désertification, puis des tempêtes, et puis là, écoutez, là, la chaleur accablante partout, là. Là, tout d'un coup, on se retrouve dans la neige, dans le froid, en dessous des inondations. Ça va pas leur affaire, c'est pas mal gênant. Alors là, ces gens-là sortent dans les médias, ils disent que là, le réchauffement climatique est en train de ralentir. Hein? C'est quand même assez incroyable. On dit que les scientifiques, dans cet article-là, ont identifié que certains facteurs majeurs sont en train de sortir par rapport à ça. On dit que là, écoutez, on a des variations naturelles, et on a aussi de la pollution de l'air, hein? On parle des industries lourdes et puis des polluants, des arrêts au sol, particulièrement en Asie, qui jouent là-dedans. On avait mal calculé ça, tatati, tatata. On parle des émissions industrielles de sulfure qui sont pompées dans l'atmosphère, qui reflètent apparemment les rayons du soleil, qui pourraient mener à un effet de refroidissement. Alors là, hein, je veux dire, mon Dieu, on invente. Hein, là, c'est comme, écoutez, là, il faut inventer les excuses, là. Je veux dire, c'est gênant, leur situation, là. Vous avez l'Institut météorologique de la Norvège qui, eux autres aussi, ont déclaré que l'hiver était pour être des plus froids, OK, et puis que c'est pour continuer parce qu'il fait pas chaud, là, non plus, là. Hein. On est déjà un hiver très précoce depuis au-dessus d'un mois. On a déjà de la neige et des froids intenses, et puis eux autres, ils avertissent que ça va devenir encore plus froid. Vous avez aussi en Suède où on est en train de se préparer à vivre des records de froid. Stockholm qui est en train de faire l'expérience de des températures saisonnières records, hein, des records de froid, okay? Des températures qu'on n'a pas connues depuis 100 ans. 100 ans. Okay? Ça, c'est des chiffres de l'Institut météorologique de la Suède. D'accord. Alors moi, j'aimerais bien voir là, les modèles du réchauffement climatique du GIEC il y a quelques années. Hein, j'aimerais bien voir ces modèles-là qui nous ont promis que la température était pour se réchauffer partout globalement. Hein? Parce que les taux de CO2 ont continué d'augmenter, mais la température chute. Parce que là, c'est parce qu'à un moment donné, le lien entre les deux, là, il n'a pas l'air à fonctionner très, très bien, là. On a dit que le CO2 causait un réchauffement climatique, mais on a plus de CO2 puis qui fait plus froid. OK, all right. Alors, vous avez aussi des températures records de froid, des tempêtes de neige records qu'on n'a pas connues depuis 30 ans en Mongolie. Même affaire dans le nord de la Chine, des neiges précoces et abondantes. Alors, ça, c'est un peu partout, là. Alors, allez voir ça. Vous avez des vents arctiques qui pourraient signifier un hiver beaucoup plus rude en Suède, un Antarctique ici. Alors, vous en avez comme ça à la tonne. On parle dans les Antarctiques ici de l'activité volcanique globale qui est à la hausse partout dans le monde. Alors, ça aussi, ça crache des tonnes de CO2, beaucoup plus de CO2 et de méthane dans l'air que toute l'activité humaine combinée pendant un an. On ne parle jamais de ça. Est-ce qu'on va commencer à taxer les volcans? Petite bonne question. Alors, allez voir ça. Vous avez un article ici qui parle des géologistes qui avertissent d'une méga éruption qui serait possible. Alors, vous avez des grosses éruptions volcaniques là, dans la région asiatique, surtout en Indonésie. Alors, ça aussi, là, c'est des trucs qui sont à surveiller. Un autre article, on parle des émissions globales de carbone, de dioxyde de carbone qui ont baissé de 1,3 % l'année passée. Alors, ça, on a eu des hausses là, les dernières années d'au-dessus de 5-6 %. Et puis là, l'année passée, ouf, ça a recommencé à descendre. L'activité économique, évidemment, explique une grande partie de ça. Ça vient de des scientifiques internationaux. Ça a été publié dans le Guardian. Ensuite, vous avez une autre vidéo ici qui on parle du Climate Gate, okay, qui est encore un sujet très chaud, surtout à la veille de ces nouveaux sommets du GIEC à Cancun. Alors, on parle ici des changements climatiques, de cette hystérie du réchauffement climatique qui est un autre mensonge qui est vraiment mise en place et formulée par une clique d'eugénistes, okay, des gens qui en veulent à l'humanité, qui voudraient réduire la population mondiale. Okay? Ça vient des documents officiels. Ça ne vient pas de sites de conspirationnistes. Ça vient de la bouche de des gens comme Bill Gates, John Turner. Vous avez une panoplie de personnes comme ça. Okay? Des plans même, des documents officiels du gouvernement américain. Vous avez une trolley de documents et de citations de personnages très importants où on parle de réduire la population mondiale de plus de la moitié jusqu'à 90 %. Alors, vous avez sûrement remarqué que cette hystérie du réchauffement climatique implique tout le temps de mettre le blâme sur le dos de l'humanité, des humains, et qu'on dit que pour la solution, pour venir à bout de ce problème-là, il va falloir éliminer une partie de la population. Okay? Alors, un autre article ici qui parle de différents taux de rétraction suite à des fraudes scientifiques. Alors, les gens qui ne croient pas à ce que la science peut être fraudée, ben, allez voir ça. Vous avez ici une liste de pays avec une liste de nombre de documents frauduleux, d'erreurs et d'autres publications comme ça qui ont dû être retirées, des rétractations. Alors, allez voir ça, c'est pas comme si on c'était une nouvelle, là, hein? Donc, des erreurs comme ça, en parenthèse, c'est des fraudes, il y en a eu tout le temps eu, même dans le domaine scientifique. Okay? Vous avez une tête ici du département des recherches climatiques à l'ONU qui a admis être surpris à la furie de la population par rapport aux fausses assertions selon lesquelles les glaciers himalayens disparaîtraient d'ici 2035, alors qu'on avait carrément, par la suite, il y a quelques mois, complètement défait ce mensonge-là. C'était basé sur des fausses données qu'on avait manipulées. Puis, c'est le cas pour à peu près toutes des prédictions catastrophiques qui nous ont été servies au cours des dernières années. Okay? Alors, on en vient tellement à être tanné, là, je dis ces scientifiques-là qui ont essayé de nous inquiéter avec ça pour rien. Quand je dis pour rien, écoutez, là, faites bien la différence entre le vrai problème réel de la pollution incroyable, la destruction, le ravage de l'environnement. Je veux dire, ça, il n'y a aucun doute là-dessus qu'on a un grave problème. Je veux dire, on a un sérieux problème d'attitude en tant qu'humanité envers notre environnement puis la nature, notre seul bateau spatial et universel, hein, notre maison, notre petite boule microscopique dans tout cet univers-là. C'est évident qu'il est urgent qu'on en prenne plus soin, qu'on la protège, qu'on en fasse. Qu'on la protège comme une perle, hein, je veux dire, ça c'est évident, mais qu'on cesse de tomber pour des fausses propagandes qui sont montées par des eugénistes, par des escrocs, des gens qui sont en grave conflit d'intérêts, qui d'un côté épeurent la population avec des prédictions catastrophiques basées sur des données qui sont manipulées pour taxer les gens, pour faire de l'argent, pour imposer des taxes, contrôler la vie des gens, pour instaurer une gouvernance globale. Okay? Et un problème qui est réel de population, de pollution. Okay? Donc ça, c'est absolument important là, de faire la différence entre les deux. Alors, ces gens-là sont tellement maintenant sous attaque de la population. La majorité de la population mondiale ne croit plus en cette hystérie totale des changements climatiques causés par le CO2, causés par l'homme. Et on devient tellement tanné au niveau de ces gens-là là, qui poussent cette hystérie-là qu'on ne répond plus aux gens, même en ligne. Vous avez des gens ici qui ont mis en place des systèmes informatiques qui répondent de façon automatique, là, des réponses déjà préfabriquées aux gens qui viennent les argumenter sur leur site. Alors, imaginez, rien que pour vous dire un peu, là. J'ai mis en lien là, des documents là, qui faisaient référence à justement ce qui était le Climate Gate qui avait éclaté lors du sommet de Copenhague, où on avait appris justement qu'à l'université de East Anglia en Angleterre, qu'on avait carrément manipulé les chiffres, là, les données scientifiques pour finalement leur faire dire ce qu'on voulait pour la faire appuyer leur fausse thèse du réchauffement climatique causé par l'homme. Alors, des liens à consulter. Un article ici assez inquiétant, on parle de l'armée canadienne qui se prépare à intervenir. C'est un rapport complet des forces canadiennes disant qu'ils se préparent à intervenir aux quatre coins du globe en raison du réchauffement de la planète. Alors voilà, ça justifie toutes sortes de niaiseries de même, ce qui, selon eux, disent, provoquera une course aux ressources naturelles, des guerres régionales violentes et des catastrophes en cascade, révèle un document inédit. La lutte contre les changements climatiques n'est pas une priorité du gouvernement Harper, apparemment. Je vous laisse découvrir le reste de cet article-là, super important. Et ainsi que plusieurs autres, là, j'aurai pas le temps de tout couvrir ça. Il y en a énormément à les voir. Je vais vous les mettre en lien, là, parce qu'à un moment donné, il y en a beaucoup. Ici, vous en avez une ici, une démission d'un gars qui faisait partie de l'American Physical Society, qui lui croyait au réchauffement climatique. Après ça, lui s'est débarqué de là parce qu'il s'est rendu compte que c'était une folie. Vous avez un lien ici vers 800 documents qui ont été revus par les pairs qui supportent les sceptiques du réchauffement climatique ou des changements climatiques causés par l'homme. 800 documents revus par les pairs. Alors, allez voir ça. Vous avez le Le Chicago Climate Exchange, qui était pour être le nouveau marché des échanges du carbone qui avait été mis en place à Chicago par Al Gore et puis les Maurice Strong de ce monde, qui s'est effondré officiellement. Alors, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça fonctionne pas. Donc, vous voyez vraiment là, que la population n'embarque pas du tout dans cette histoire-là. Et puis là, ce truc-là, c'est carrément effondré. Vous avez quand même Gore qui a réussi à mettre en poche 18 millions de dollars de ce truc-là. Hein, donc, vous voyez comment que ces gens-là se préparaient à profiter énormément de toute cette hystérie totale. Ouais, bon, c'est ça. Donc, je vais m'arrêter là. Vous avez l'article ici qui s'est refroidi à des niveaux pré-industriels de 1950 à 1990. Allez voir ça. Ça vient d'une recherche qui a été faite par les Allemands et puis des scientifiques russes qui indiquent que les températures annuelles de l'Arctique ont descendu. Alors, ça aussi, là, vous voyez là on a rempli de propagande qu'on nous fait croire là, que hey, là, les ours polaires vont tous mourir, puis là, les glaces sont en train de fondre. Attendez un peu, là. Ça fond peut-être à certains endroits, mais la majorité, les glaces sont en train de se reconstituer et de battre des records. Vous avez ici l'activité des cyclones, des ouragans tropicaux globales. Donc, on parle de l'activité planétaire qui a atteint un creux de 33 ans, imaginez. On disait qu'on était pour en avoir de plus en plus, il y en a de moins en moins. Voilà pour ce dossier-là. Corée du Nord, ben encore là, plusieurs articles. Vous allez voir les États-Unis et la Corée du Sud sont en train de tenir un spectacle de force autour de la péninsule coréenne. Alors, on est en train de faire des exercices militaires. On essaie d'impressionner, montrer nos gros bras, provoquer la Corée du Nord, provoquer la Chine. On apprend, selon un autre document ici, que la Corée du Nord pourrait impliquer le Canada selon des documents qui ont été rendus publics. Alors, le Canada, comme je vous disais, n'est plus un pays neutre. Alors, nous, on commence là à s'impliquer dans toutes les guerres impériales et coloniales de la planète. Alors, le Canada qui est encore partie prenante de toutes ces fausses crises-là. Une autre vidéo aussi de Webster Tarpley qui parle du terrorisme manufacturé. Fabriqué de toutes pièces. Alors, on parle d'une crise qui a été montée de toutes pièces entre la Corée du Nord et la Corée du Sud qui profite aux États-Unis. Alors, on démonte des boulons ici, allez voir ça. La Chine qui dit aux États-Unis de renvoyer, de retourner son gros porte-avions, le USS George Washington. Alors, la Chine qui se sent évidemment menacée par toute cette grosse artillerie lourde qui est déployée autour de la péninsule coréenne. On a tout à croire qu'une guerre ou des attaques militaires pourraient se produire d'ici peu. Vous avez plusieurs expatriés qui ont été rappelés de la Corée du Nord en vue d'une préparation pour la guerre. Alors, ça, c'est des travailleurs qui viennent du Proche-Orient et puis de la Russie qu'on a rappelés de la région. Vous voyez que ces gens-là comprennent avec une clarité absolue que les États-Unis sont en train de se préparer à lancer une nouvelle guerre contre la Corée du Nord et la Chine en utilisant son État client, la Corée du Sud, pour provoquer, pour commencer des provocations, comme ça s'est passé la semaine passée. Alors pourquoi? Eh bien, les raisons sont assez simples. Vous savez, au dernier sommet du G8, du G20, la Chine a refusé, de redonner de la valeur à sa monnaie, selon les demandes américaines. Et vous savez, c'est impossible, comme je vous disais un peu plus tôt, que les États-Unis puissent repayer les trillions de dollars qu'ils ont empruntés de la Chine pour financer leur guerre illégale et immorale à travers la planète. Et troisième raison, la Chine et la Russie, comme je vous disais un peu plus tôt, viennent juste de larguer le dollar comme un médium d'échange dans leurs transactions commerciales. OK? Alors, si vous pensez que les États-Unis vont se laisser faire comme ça, vous rêvez en couleur. En plus que là, la furie est en train de monter au cœur des États-Unis. On sait que le gouvernement est corrompu à l'os. On sait que Wall Street est corrompu à l'os. On sait que les banquiers privés ont ruiné le pays. Et puis, il faut détourner au plus sacrant l'attention des Américains. Il faut faut leur jeter de la poussière, du sable dans les yeux. Je dirais même, non, je vais me contrôler. Partir une guerre a tout le temps été la solution. Historiquement parlant, tout temps était la solution. Alors qu'on parte une guerre contre l'Iran ou on parte une guerre contre la Corée du Nord, ça revient au même. Ça ne fait que servir les intérêts américains. Ça, c'est absolument certain. Vous avez les ministres de la politique étrangère, russes et chinois, qui ont lancé un urgent appel à la péninsule coréenne contre une montée des tensions. Alors, évidemment que on ne veut pas qu'un conflit éclate là, je veux dire, on espère bien ça. Vous savez, les Philippines qui se préparent à une possible évacuation de masse de la Corée du Sud. On a même demandé l'aide du Japon pour y arriver. Alors, vous voyez, c'est des tendances assez lourdes là, qui se préparent. Donc, vous avez même, ça aussi c'est spécial, une nouvelle qui est sortie que j'ai trouvée hier, CNN qui se retrouve justement à bord du USS George Washington. Ça, c'est pourquoi je dis ça, c'est spécial, parce que c'est ce qu'on appelle des embedded journalists, c'est-à-dire que c'est des journalistes qu'on insère dans l'armée, comme on a fait un peu en Irak. Et ça ne se produit pas normalement durant des exercices militaires. Ça ne se produit pas du tout. La dernière fois que ça s'est produit, on a laissé un reporter de CNN embarquer sur un des bateaux de guerre américains, c'était juste avant les attaques américaines contre l'Irak en 2003. OK? En dehors de ça, on ne fait jamais ça. On ne fait jamais ça, jamais, jamais, jamais ça. Jamais CNN n'envoie des reporters dans des exercices militaires américains. Alors, allez voir ça, vous avez des nouvelles assez importantes là-dessus. Un autre article qui parle de la Corée du Sud qui, apparemment, par erreur, aurait fait une genre d'attaque. On aurait lancé de l'artillerie en territoire démilitarisé. Vous avez une zone là, neutre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et apparemment que là, on apprend dans cette nouvelle-là, du Yonhap, qu'on aurait accidentellement lancé un feu d'artillerie par l'armée sud-coréenne et qui est tombé proche du côté nord-coréen. Alors, vous voyez des genres de provocations, hein, des genres d'accidents, entre guillemets. Vous voyez, non, c'était pas intentionnel, évidemment. On n'essaie pas de provoquer une guerre. Ben non, voyons donc, on est honnête. Hein, la main sur le cœur, on jure et craché, hein, n'est-ce pas? Alors, vous avez une autre vidéo ici dans laquelle on voit, c'est un clip des médias, on voit la Corée du Nord qui admet avoir, dans l'escarmouche la semaine passée, avoir tiré en premier. OK, alors on a lancé dans des eaux qui sont proches de la Corée du Nord, alors ça a tout l'air d'une provocation. Il faut se rappeler aussi du contexte historique. C'est un excellent article ici que je vous propose, écrit par Michel Chosudovski du site de Global Research. On apprend que durant la dernière guerre en Corée, la Corée du Nord a perdu de 20 à 30 % de sa population résultant des bombardements américains dans les années 50. Okay, donc, les Américains, ça les gêne pas, là. Ça les gêne pas de recommencer une autre guerre. On a détruit les 78 villes principales en Corée du Nord lors de cette guerre-là. C'est plus de 20 % de la population de la Corée du Nord qui a été tuée, qui a été éliminée à travers trois périodes intensives de bombardement. On a détruit 78 villes et villages, tuant des millions de personnes. Alors, ça aussi, c'est des trucs à garder en tête. Vous avez un autre article qui parle ici de 6 raisons de partir une troisième guerre mondiale si vous êtes un globaliste. Alors, ça aussi, là, vous allez comprendre que c'est tout dans l'intérêt des globalistes, des néocons, de partir une guerre là. Un article super important à aller voir. Et puis, un autre article ici qui parle de l'OTAN qui, elle, est en train de se redéfinir et puis de se redéfinir en puissance, en soulevant un gendarme militaire planétaire. Et qui est en train d'étendre son influence et ses bras à l'Asie maintenant. On est en train de parler de la plus large force militaire du monde qui est en pleine expansion et qui est en train de se donner un mandat de faire la police au niveau du monde en entier. Alors, un article absolument important, vous allez voir, qui nous vient du site de Wired. Alors, ça aussi, là, c'est un article des plus intéressants. Alors, voilà, donc on va se quitter encore pour une petite brève pause et puis on revient avec les nouvelles, un petit retour rapide sur ce qui se passe avec la TSA et quelques nouvelles de l'actualité. Some thoughts in my head that were making me feel high. On my head was a hoodie, in my ears was some bass. I was walking by my dog when I saw that sexy face come towards me. I wear with a little cheeky smile. If she was a phone, I'd pick her up and dial the fire brigade. Oh, 000, she stole me my tracks. I said, I'm a hello, hello. Oh, hello, hello. Sleeping in the sand with some dreams in my head that were causing an extension to the tail of my bed. And the waves were rolling up the curves on those legs like that sweet beach pillow with a centerfold spread. In the midst of the slumber, heard some footsteps are creeping, and I woke to discover the woman I've been dreaming. She knelt down beside, said, can I share your pillow? I rolled over and I said, well, hello, hello. Some like cars and some like the houses with the rooftop spires, and some like the gossip about some rich sugar daddies. But me and my friends, we like the golden brown honeys. And some like watching people living on TV. That's a little strange if you're asking me, cause I like to eat and laugh and play. And all these are the things I know. Well, hello, hello. Oh, hello, hello. Ah, hello, hello. Marginant au micro. Alors, on aborde le dernier tronçon de l'émission. On va terminer avec quelques nouvelles de l'actualité et aussi une mise à jour du dossier de la sécurité dans les aéroports aux États-Unis, donc de la TSC en particulier, qui est l'agence là, de sécurité qui est en place, qui gère la sécurité en place dans les aéroports américains. On en a parlé beaucoup la semaine passée. C'est une histoire qui est très importante. C'est une dérape totale vers un État tyrannique, à la Big Brother, totalitaire réellement, là, une dérape très, très, très grave aux États-Unis. Est-ce que c'est un essai ballon pour essayer de voir comment la population va réagir? Parce que là, je vous en avais parlé la semaine passée, ces mesures-là qu'on a mises en place dans les aéroports, on parle ici des fouilles complètes corporelles ou des scanners corporels qui émettent des radiations, qui sont mutagènes et cancérigènes. Si vous optez pour l'autre solution, vous ne voulez pas passer à travers les scanners, ça va être la fouille complète, alors qui est très invasive, qui est une agression, une brèche dans vos droits et libertés et à la droit à la vie privée. Et c'est une situation qu'on aimerait voir être mise en place dans différents endroits. Alors, je vous en parlais la semaine passée, on disait que la prochaine étape serait possiblement de mettre ça aussi dans les autres lieux publics de transport. Alors, on parle ici des métros. On parle des stations de train, des stations d'autobus, et puis il y a déjà des précédents à ça. Vous avez un article, là, j'ai mis des liens en réalité d'un article qui parle que ça a été déjà même essayé dans une station d'autobus aux États-Unis, à Tampa Bay, en Floride, où alors on a eu des exercices comme ça de la TSA, du Homeland Security, puis de la police de Tampa, où on a tout simplement là, mis des. On appelle ça en anglais des checkpoints, c'est des barrages, des contrôles, là, des contrôles de sécurité avant que les gens montent à bord des autobus. Alors, ça devient une claire tendance là où on veut instaurer ces mesures-là un peu partout. Cette semaine, si vous allez vous faire un petit tour du côté des nouvelles internationales, des sites du Québec ou de sans-papiers, vous allez trouver mon article de la semaine. Je publie maintenant le mercredi au lieu du jeudi, donc il a été publié hier. Et vous avez cet article que j'ai intitulé « Les enfants ne parlez pas aux inconnus, mais laissez-vous toucher par ceux en uniforme ». Et je fais un point très important, un point qui a été soulevé par un groupe qui envoie des nouvelles, des vidéos chaque jour là dans ma boîte. Vous pouvez vous abonner vous aussi, c'est quand même assez intéressant, qui s'appelle le Brass Check TV. Ils ont fait un point très intéressant que j'ai repris, que j'ai traduit en français et que j'ai complémenté d'informations, qui est sur le fait qu'on fouille aussi les enfants. J'en parlais un peu la semaine passée. Donc, on demande aux enfants de passer à travers les scanners ou simplement de subir ces fouilles corporelles complètes du corps. C'est évidemment de quoi qui laisse à désirer. On parle souvent des attouchements. Hein, des attouchements sexuels ou des attouchements des adultes envers les enfants. Et puis, évidemment, on est très contre ce type de comportement. Et puis, ce qui arrive, c'est que là, vous avez aux États-Unis la TSA qui a instauré ces nouvelles mesures de fouilles corporelles et puis qui on fouille n'importe qui, même les enfants. Il y a de nombreuses vidéos qui montrent de très jeunes enfants qui ont été dépouillés de leurs vêtements publics, qui ont été touchés contre leur volonté et qui, en d'autres circonstances, auraient été carrément agressés par des agents de la TSA. Et ça a fait surface les ces dernières semaines. Et puis, je trouve ça un peu ironique qu'on conseille aux enfants de ne pas parler ou ouvrir la porte à des inconnus alors que des parents sont conseillés par la TSA de dire à leur enfant que ces méthodes de sécurité, dont la fouille complète corporelle, est un jeu. Puisque les enfants résistent naturellement à se faire toucher par des étrangers, la politique de la TSA a été de suggérer aux parents de prétendre à leur enfant que les attouchements faits par les agents en uniforme de la TSA est un jeu. Donc, on demande aux enfants de prendre ça comme étant un jeu, tout simplement. OK? Quelle a été la réaction des médias par rapport à ça? C'est un silence assourdissant. Même les médias alternatifs en ont très peu parlé. On nous demande plutôt si on n'est pas un peu trop sensible et ils en rajoutent en disant que nous devrions trouver un équilibre entre la sécurité et la confidentialité. On enseigne donc aux enfants que toute personne en uniforme a libre accès à leur corps, qu'ils ne peuvent pas refuser et dire non, et que leurs parents sont dans l'impossibilité de les protéger. À leur tour, on inculque aux parents qu'ils ne peuvent pas protéger leur enfant et réellement, c'est une entreprise colossale qui est criminelle. Il y a deux possibilités, soit qu'il s'agit d'une idiotie officielle et une arrogance de l'ordre le plus élevé, ou c'est le résultat qui était prévu et jugé acceptable. Une chose est certaine, c'est qu'en tant qu'agence gouvernementale qui collabore étroitement avec la CIA, le FBI, le Homeland Security, la TSA a accès à des centaines de psychologues et psychiatres qui sont à leur service sous contrat et disponibles en tout temps. On a, selon un récent sondage de Gallup sur l'abus de l'enfance, qui a révélé qu'en une seule année aux États-Unis, plus d'1 million d'enfants ont été abusés sexuellement et physiquement. Dans le même esprit, vous avez l'American Medical Association qui a fait référence au viol et à l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants comme étant une violente et silencieuse épidémie. Et vous avez Kenneth Wooden, qui est un ancien journaliste et un auteur de livres très important sur c'est un livre qui a été intitulé Les enfants de Johnstown. Son expérience, alors qu'il couvrait l'histoire de Johnstown et de voir des centaines de cercueils d'enfants revenant de la Guyane, l'a motivé à créer une société de formation qui enseigne aux enfants comment identifier et se protéger eux-mêmes contre les prédateurs. Il lui a été demandé ce qu'il pensait de la politique de la TSA commandant à ses employés de déshabiller les enfants et à leur faire subir des fouilles corporelles complètes, ainsi que plus spécifiquement à son opinion à propos de l'idée de dire aux enfants de prendre ça comme un jeu. Il a répondu que la TSA a franchi la ligne de l'indécence. En tant que spécialiste de la sécurité nationale, il soutient que la TSA franchit la ligne quand elle permet à ses agents de tapoter les enfants pour des raisons de sécurité qu'ils passent pour un jeu. Alors, vous savez, c'est une facette très importante là, de cette situation-là où on est en train de faire passer des attouchements corporels sur des enfants par des inconnus en uniforme comme étant un jeu. C'est vraiment la clé centrale de ce texte-là. C'est une situation qui est très triste, qui est en fait aussi très choquante. Et puis, ça fait réfléchir. Peut-être que la meilleure solution, jusqu'à temps que les États-Unis retrouvent leur esprit, c'est de cesser de se rendre aux États-Unis ou de prendre un vol via les États-Unis. C'est évident que ces gens-là, à la TSC, sont incroyablement mal informés et perdus pour penser que des fouilles intégrales du corps des enfants peuvent être dépeintes comme étant un jeu. C'est une façon qui est totalement contraire à ceux qui travaillent dans le domaine de la prévention des abus sexuels qui ont essayé d'accomplir au cours des 30 dernières années. Vous avez Kenneth Wooden qui explique qu'une telle politique pourrait essentiellement désensibiliser les enfants à être touchés de manière inappropriée et finalement rendre plus facile pour les délinquants sexuels de s'attaquer à nos enfants. C'est aussi une politique qui est également très insensible aux innombrables victimes qui ont déjà été traumatisées par des attouchements non désirés dans leur vie et qui pourraient être traumatisées de nouveau par ces fouilles sommaires. On parle de politiques qui sont à la limite de la négligence criminelle et qui, juridiquement parlant, représentent une indifférence délibérée face à l'avenir du bien-être émotionnel de millions de victimes et potentiellement de beaucoup d'autres jeunes à venir. Alors, un article très intéressant et aussi je fais part d'une solution. Écoutez, c'est une question très importante parce qu'on a beau dénoncer, il faut aussi parler de solutions. Il faut comprendre que ce qu'on essaie de mettre en place dans les aéroports sous prétexte de sécurité ne sont pas de véritables mesures de sécurité. Elles ne font que porter atteinte aux personnes. Et en réalité, ce qui arrive, c'est que, comme vous aviez l'expert, j'en ai parlé la semaine passée, un expert israélien de la sécurité avait dit que lui, il sait comment passer des bombes à travers ces scanners-là sans qu'ils soient détectés. Ces trucs-là ne sont pas à 100% fiables. Les gouvernements mentent sur la nécessité et l'efficacité des scanners corporels et des agressions par les agents dans les aéroports pour sécurité. Ils ont beaucoup mieux et beaucoup moins cher comme moyen de détecter des explosifs et ils les utilisent pour leur propre protection. Je vais vous donner un exemple assez frappant, là. En Irak, l'armée américaine s'est débarrassée des scanners corporels parce qu'ils les ont jugés inutiles. L'armée américaine, OK? Ils ont recours à des chiens pisteurs d'explosifs. Voici quelques faits d'ailleurs que vous devriez prendre note. Le FBI lui-même n'utilise pas les scanners corporels pour protéger son quartier général à Washington, D.C. Il utilise des chiens renifleurs d'explosifs qui ne sont pas seulement moins chers, mais aussi infiniment plus fiables. En Irak et en Afghanistan, où les kamikazes à la bombe sont un réel problème, les militaires américains n'utilisent pas l'électronique pour les détecter. Ils utilisent les chiens renifleurs. En Russie, suite aux attentats au soutien-gorge, comme on la nomme, vous avez eu des attaques dans des avions, la réponse a été d'apporter des chiens renifleurs et non pas d'agresser au hasard les femmes qui voyagent ainsi que les enfants. Est-ce que cela peut être plus clair? Je crois que c'est assez évident. Les scanners, les tâtonnements ne sont pas des mesures de sécurité appropriées. Le FBI le sait, l'armée américaine le sait et la sûreté du transport aérien militaire en Russie le sait. On a une solution aussi, je vous présente, vous avez une vidéo, vous allez voir ça. Ça parle justement de ces chiens-là qui sont vraiment infiniment plus efficaces, OK? Et sont capables de sentir les explosifs et je crois que c'est des milliers de différents types d'explosifs. Et on peut renifler, on peut sentir tous les passagers au lieu d'y aller de façon sélective. Hein? Et puis le coût d'un scanner de 150 000 $ américains est très, très élevé, alors qu'un chien entraîné en coûte que 8 500 $ américains. Alors voilà des arguments massus, okay, pour réellement le mettre la hache dans ces fameuses supposées, entre guillemets, hein, pseudo-mesures de sécurité qui ne sont que des agressions. Des mesures tyranniques dans les aéroports qu'on veut introduire un peu partout. Alors, voilà une solution. Je vous invite à la propager, à passer le mot. Je veux dire, il y a des solutions à ça aussi. Donc, c'est bien beau de se défendre et de dénoncer les choses, mais en plus, c'est qu'on a des solutions qui sont infiniment plus sécuritaires, qui sont plus efficaces que ces fameux scanners, ces fouilles corporelles. Alors, sur la section de la TSC, ben, je vous ai laissé un paquet d'informations. On a un article ici de Canadian Press qui parle qu'on a eu les mêmes conditions dans les aéroports canadiens. Alors, c'est la même situation. On a à peu près 1 500 plaintes jusqu'à date qui ont été déposées. La semaine passée, vous avez eu une action civile où on avait demandé aux gens de ne pas se rendre dans les aéroports ou simplement refuser les scanners. Et puis, c'est une action qui a fonctionné. Alors, les gens se sont vraiment mis ensemble. On a appris de différentes sources qu'on a entre 12 et 13 % des chiffres qui 12 % 10 excusez-moi de 12 à 13 % des aéroports, on a eu une baisse de clientèle. OK, alors les aéroports ont été très tranquilles même pour la Thanksgiving aux États-Unis. Donc ça c'est intéressant et vous avez la TSC qui a cligné des yeux aussi face à cette montée là de la colère aux États-Unis des voyageurs aériens. Et puis, cette journée qu'on appelait le opt-out, c'est-à-dire refuser de passer à travers les scanners, eh bien, on a aux États-Unis, on a dans plusieurs aéroports, on a éteint ces scanners, on ne les a pas utilisés cette journée-là. Alors, voyez l'effet que le public peut avoir. Ne croyez jamais qu'on est complètement impuissant face à ces trucs-là. Il suffit de se tenir debout, de les refuser, OK? Alors, continuez d'agir de la sorte. Il y a des signes, là, justement, qui montrent qu'on a un effet et on peut réellement refuser de ces fausses mesures de sécurité qui n'apportent absolument rien, qui ne font qu'apporter nos droits et libertés. D'accord? Alors, plusieurs nouvelles, allez voir ça. Vous avez l'argent des lobbies de la sécurité, des fabricants de scanners corporels qui ont plus de doublé ces 5 dernières années. Ça a été rapporté par le USA Today, d'ailleurs. Donc, ça prouve d'ailleurs que c'est un secteur qui est en pleine floraison, en pleine expansion. On fait énormément d'argent avec ces fausses mesures de sécurité. On crée des peurs. Après ça, on vend ces machines-là. On fait du lobby. On réclame. Après ça, on récolte énormément d'argent. Alors, ça, c'est incroyable. Vous avez aussi, je vous en avais parlé la semaine passée, Janet Napolitano qui a été exposée. On a appris que dans des cours fédérales aux États-Unis, on sauvegardait, on emmagasinait des images de scanners. Alors, on refusait d'admettre que ces scanners-là pouvaient entreposer des images, alors des images à nu, vraiment des images pornographiques de tous les passagers qui sont scannés. On disait qu'on n'était pas en mesure de les garder en mémoire, et puis c'est faux. Vous avez des cours aux États-Unis qui en ont gardé des milliers en mémoire. Des reportages, des témoignages de personnes qui ont subi des humiliations. Vous avez ici un autre travailleur de la TSC qui était accusé d'assaut sur des personnes qui passaient, sur des femmes qui passaient à l'aéroport. Alors, réellement, là, allez voir ça. Vous avez le FAST, qui est une nouvelle mesure aussi là, de screening, là, donc de filtration des gens. Donc, vraiment, ce qu'on fait tout, là. Donc, réellement, on est en train d'instaurer un état policier aux États-Unis. On a même les agents de la TSA qui ont déclaré que filmer ces gens-là à l'aéroport était contre la loi. Alors, vous avez la TSA qui se déclare au-dessus de la loi. Réellement, là, c'est une situation qui est catastrophique. Alors, voilà pour ce dossier-là. Et puis, en terminant, ben écoutez, là, je vais revenir la semaine prochaine sur plus de nouvelles de l'actualité. J'aimerais parler aussi la semaine prochaine du Canada qui est en train de se mettre à genoux, qui est en train de crouler sous le lobby, le pouvoir sioniste, le Canada qui est en train de réellement de prendre une tournure vraiment incroyable. On est en train de tomber, de se déplacer vers le côté obscur, hein, de la force. Alors, dans les termes de Star Wars, alors la guerre des étoiles, oui, le Canada est en train vraiment de sombrer dans la force obscure. C'est triste à voir. En France, on a eu un appel, les appels au boycott d'un pays de ses produits qui a été maintenant interdit sous peine d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Alors, on ne peut pas apporter, ben, on ne peut pas appeler, par exemple, à un boycott des produits israéliens ou d'un autre pays parce que là, c'est rendu criminel. Alors, on est en train de criminaliser la pensée, autant ici au Canada, aux États-Unis, qu'en France, en Angleterre, que dans d'autres pays. C'est assez alarmant aussi de voir ça, la criminalisation de la pensée Big Brother qui est en train de s'installer tranquillement. Ça va être des nouvelles à suivre la semaine prochaine, ainsi que plusieurs autres nouvelles là, par rapport à l'état policier, surveillance, toutes sortes de trucs comme ça. Alors, nous, on va se quitter pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous salue bien bas. C'était François Marginat pour L'Autre Monde. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!